La communauté internationale admire les avantages du régime socialiste de la Corée. Les expositions de photos coréens tenues il y a quelque temps à la ville de Pretoria et à la ville de Tswane, Afrique du Sud, ont fort impressionné les Sud-Africains qui n'avaient entendu que les démagogies de l'Occident. Les visiteurs ont dit que beaucoup de gens en douteront si l'on dit qu'il y a dans le monde un pays sans fiscalité qui fournit gratuitement à la population les maisons d'habitation construites par le gouvernement. Et ils ont porté envie au peuple coréen. Le secrétaire scientifique de l'Association d'études du kimilsunisme et kimjonglisme de l'extrême-orient de Russie a dit qu'en Corée, la population jouit des bienfaits sociaux de toutes sortes. Lukasz Brobel, membre du cercle tchèque d'études et de matérialisation des idées du Juche, a dit qu'on ne peut pas voir en Corée les sans-abri et que le gouvernement coréen n'épargne rien pour le bien-être des habitants. Le ministre de la Santé et de la Population du Congo a dit que les Coréens bénéficient des soins médicaux gratuits dans les hôpitaux modernes comme l'hôpital pour enfants Ongyo et le complexe ophtalmologique du Gyeong, et dans ce pays, tout sert le peuple sans parler des hôpitaux. Le secrétaire général du Parti communiste suisse a dit que radieux est l'avenir de la Corée qui a réalisé parfaitement le problème de la postérité.